Ok poto, j'avoue que tout partage c'est louable. Je sais que c'est ouais, mais je crois que nos ambitions s'éloignent. Le vice nous a parrainés, loin de l'époque où on traînait. Je me pose toujours la question, mieux vaut être craint ou être aimé. Les années ont passé, y'a des erreurs qu'on commet plus. On se connaît plus, effectivement, mais bizarrement, je te reconnais plus. On se l'était dit, on serre les coudes. Un dernier coup, j'ai besoin d'espace, mais toi tu ne penses qu'au quartier. Moi je rêve des villes en Espagne. La loyauté s'est pendue, des phrases remplies de sous-entendus. On se check, on se parle, on s'écoute, mais ne s'entend plus. À penser au jour le jour, j'ai l'impression que tu vis si bien. Claquer ton bif dans des petites buts et dans des jogging Philippe. Mais c'est pas ça la vie, non c'est pas ça la vie. Au fait, au prochain plan tu feras sans moi, tu passeras par la vitre. Je fais des rêves où notre amitié se repose. Je te mets deux bastos dans la tête, ton corps sur une aire de repos. Légendaire le temps a passé, tous ces souvenirs à effacer. À forger le cœur glacé, j'ai peut-être la batte ou d'être tabassé. Légendaire le temps a passé, le temps a passé. A forger le cœur glacé, à forger le cœur glacé. Un poteau. Te rappelles-tu les frères avant les grammes? Quand je te regarde, je ne vois plus que les traîtres avant les braves. Sur le bateau de la vie, ici, navigue sans âme. Les ex petits lardis sont devenus trafiquants d'armes. Tes cartes à fait pousser des ailes, je te comprends plus pourtant j'essaie. À force d'attendre, bah j'attends que tu décèdes. Ton implication se rarifie. Rade magnifique, t'es qu'un poison, qu'attends sagement que je planifie. Tu vois des blancs et tes excuses sont inaudibles. Je rêve de te voir dans un cercueil, je rêve de te voir dans une Audi. Maintenant je me dis que tous ces souvenirs sont banals. Posés sur le T-Max à Midnight à faire tout le tour de Panama. La vie tu sais ce que c'est. On était big graveur de C, on était big graveur de shit. On a fini par séquestrer. Depuis nos 22 billes, je crois que t'as pété les neurones. Et toutes tes putains de conneries te font perdre des milliers d'euros. Légendaire le temps a passé, tous ces souvenirs à effacer. À forger le cœur glacé, j'ai peut-être la batte ou d'être tabassé. Légendaire le temps a passé, le temps a passé. A forger le cœur glacé, à forger le cœur glacé. Les frères avant les armes, le bif, le kilo, puis les grammes. Et puis je te regarde et puis je me dis que ta petite pute a niqué le crâne. Eh va tôt, le temps m'a changé, je vais pas te mentir. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis que je suis juste le même empire. La rue, les drames, est-ce qu'on en tire? Ça change un homme entre associés, l'amitié, les conseils se changent en ordre. Quel but aurait la vie si au final c'était la perte? Des refrains, est-ce qu'on referait tout ça si c'était à refaire? Légendaire le temps a passé, tous ces souvenirs à effacer. À forger le cœur glacé, j'ai peut-être la batte ou d'être tabassé. Légendaire le temps a passé, le temps a passé.